Bonjour, samedi le 12 novembre, direct du samedi le 12 novembre. Donc, il se passe pas grand-chose en ce moment, mais en fait, il se passe plein de choses. Des diversions, si on peut dire, il se passe des diversions, puis ben c'est ça. Donc, je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. Donc, moi, je n'ai pas vraiment de sujet spécifique, là. J'ai eu un entretien avec David Lévesque qui était mis en ligne hier. Faut que, bon, ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir ça. Bonjour Céline. Je pense que je vais remettre mon petit coussin. Bonjour Lindus. Donc, ah bonjour. Beninero. Ah oui, je me souviens. Bonjour Marie. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez intéressantes? Bonjour Malia. Donc, bon, vous voyez, il y a encore eu hier, c'était bonjour Jacinthe, Arnaud. Hier, c'était le 11 du mois de novembre. Donc, le 11 du 11, puis bonjour Marie, Jeanne. Donc, c'est l'ouverture des portails, là, des dièses. Il y en a pas mal qui chialent contre ça. Ouais, l'affaire, bon. C'est quoi cette espèce de... Bonjour Bob. C'est quoi cette affaire? Anglade est partie, pourquoi ça? Ah, va revenir, mais sous une autre forme. Bon, qu'est-ce que je parlais donc? Le fétichisme que certains ont pour le chiffre 11. Ça vient de la Kabbale. Le 11, qui est un symbole de double ou de monde double, donc de porte. Puis, bon, eux autres sont accrochés là-dessus. On peut bien dénoncer ça, mais dans le fond, c'est une diversion. Je veux dire, ils font... bon, on peut... bonjour Stéphanie. On peut chialer, là, par rapport que ça n'a pas rapport, finalement, mais c'est une perte de temps. Dans le fond, ils font rien... Hein, c'est pas les niaiseries de portail à Guislangto qui sont dangereux. Dans le fond, puis oui, c'est des conneries. Moi, je vois ça comme des conneries, mais faut pas non plus accrocher là-dessus. Là. Dans le sens que c'est un peu comme des clubs sociaux qui font des conneries. Ils ont leurs affaires à eux autres, puis ils font leurs affaires. Puis pendant qu'on attaque ça, je veux dire, c'est vraiment une diversion. Qu'est-ce qu'il y a eu donc aussi dernièrement? J'ai regardé un petit peu ce qui se passe là, sur le côté de. Bon. Les gens là, qui ont poussé le monde dans le Parti conservateur pour après traiter du M de traite, bon, ben, c'est à eux autres de ne pas embarquer le monde là-dedans. Je veux dire, en tout cas, c'est encore quelque chose de pas intéressant, dans le fond, qu'on perd notre temps. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Les shérifs. Vous avez vu l'entrevue avec le directeur des shérifs. Bonjour, Martin. Bon, ben là, on tombe quasiment dans. C'est pas parce que vous signez la charte d'une gang de clowns qui se déguisent en uniforme que tout d'un coup, la Constitution américaine s'applique et est effective sur le territoire canadien. Il faut être vraiment con. C'est vraiment stupide, là. Ça va mal finir. C'est tout ça. D'après moi, le monsieur, il va finir. Bon. Même, je comprends pas qu'il y ait un procès. Moi, que le juge, j'aurais demandé qu'il y ait un examen avant. Voir si monsieur est apte, ça fait partie de ses droits. S'il veut un procès ou quelque chose de quelconque, de juste et équitable, bon, ça prend ça. Bonjour, Mimi. Parce que là, c'est tout mêlé, là. C'est vraiment délirant. Moi, je le trouve délirant. Vraiment, là, puis ça pouvait pas faire autrement que de finir comme ça. Mais ça peut être lié à une forme de naïveté, là. Il y en a, ça fait 3 ans qu'ils s'abreuvent des Américains, des patriotes américains, Trump, Trump, Trump. C'est pire que de la... C'est rendu une pollution, là, psychique, là. T'es en train de nous rendre... Ouais. Bonjour, Daniel. Donc, bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais fait une vidéo, puis je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que je me suis dit ça va être interprété puis sorti de son contexte. Parce que on a affaire à du monde malhonnête. Même ceux qui parlent au nom de la vérité, je les trouve pires. Je les trouve encore pires, ils sont encore plus malhonnêtes. Ben d'ailleurs, là, on voit son temps en guerre là, contre eux, ben, c'est la date. Fait que là, ils retombent à, si on peut dire, dénoncer les dièses, là. Mais c'est un peu comme une diversion. C'est s'attaquer à. C'est nous faire sortir un peu par le flanc, puis attaquer d'une façon qui n'est pas stratégique, qui n'est pas, je veux dire, eux autres, ils sont pas dangereuses. Je veux dire, prenez l'affaire, les shérifs, puis tout, bon, du monde vulnérable, des gens vulnérables, inoffensifs. Moi, je les considère comme inoffensifs. Ils sont un danger pour eux-mêmes, d'abord et avant tout, là. C'est correct. Bon, ils vont se rendre compte que le système, c'est pas comme ils pensent. Hein? Hein, bonjour Valérie. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi Anglade est partie. Elle est partie parce qu'elle avait de la pression de sa gang pour partir. Le Parti libéral, ben, quand ils perdent les élections, d'habitude après, ben, il y a des. Bon, il y a des, ce qu'on pourrait appeler des petites purges. Ben, vous voyez, là, ils ont attendu que Duhem, qui était, moi je le trouvais incohérent, qui avait perdu ses élections, vous le traitez de traître. Ben là, on aurait pu le traiter de tout ça bien avant. En tout cas, c'est pas. Au niveau de l'éveil de la conscience, les transmutations biochimiques des cellules se vit-elles différemment pour chaque individu où l'énergie agit sur le système nerveux pour tout le monde? C'est différent selon chaque individu. Comme n'importe quel phénomène. Mais je veux dire, bon, il y a des affaires de base, là. Mais il reste que ça n'a pas le choix d'être différent pour chaque individu. C'est un petit peu comme, bon, comme la grippe. Il n'y a personne qui a vu de la même façon. Effectivement, personne ne parle des maudits démarrés de ceux qui gravitent autour et voilà. Ben oui, mais ben, c'est des diversions, ces chicaneries-là. C'est réellement ce que c'est. Vous connaissez là, l'adage diviser pour mieux régner. Bonjour, Chanian. Donc, bon, pendant le temps qu'on est là à dénoncer des dièses, puis des sectes de farfadets, puis des shérifs, puis ils ont le beau jeu, là. Le fond, il a servi à quoi, Éric Duhaime? Il a servi à consolider la CAQ. Il a servi à un peu, entre autres, il a servi à les aider à devenir minoritaires, puis à se solidifier. Donc, bon, je veux dire, qui est gagnant là-dedans de toutes ces choses-là? C'est ceux qui, justement, qui ont encouragé puis laissé faire jusqu'à un certain point certaines choses pour qu'il y ait de la division comme ça. Puis, bon. Prenez juste les dièses, là. Comment qu'on dénoncerait ça? Ça va donner quoi? La majorité du monde ne sont pas au courant de ça, puis ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Donc, pendant ce temps-là, ben, c'est ceux, justement, qui ont créé de la division puis des diversions, qui ont le beau jeu. Fait que, bon. Pendant qu'on rit d'Éric Duhaime, que ça base le traite de traite, puis que, bon, les chicaneries dans le Parti libéral, les chicanes de sacoche, puis bon, puis les histoires de farfadets. D'ailleurs, il y a Pilon qui avait dit que Steve l'artiste est lynché sur la place publique. Ce n'est pas le cas. Les médias n'en parlent absolument pas. Les médias qui ont tout le temps été pressés de faire l'amalgame entre les gens qui s'opposent aux mesures et des sectes. Là, il y aurait du stock en masse, là. Ils n'en parlent pas. Moi, je trouve ça louche. Je trouve ça bien, bien louche. Au contraire, ils ont fait de la pub. Ils l'ont montré comme quand ils étaient allés témoigner. Puis, bon, ils ont été pas mal indulgents. Ça, je trouve ça spécial. Je trouve ça louche. Mais bon, c'est correct, là. Qu'est-ce que vous voulez, là? Bon matin, Mille. Donc, non, non, c'est. Vous trouvez pas ça étrange? Il n'y a pas un média. Il n'y a pas un média qui s'attaque à M. Chartrand. Il y aurait tellement de stock. Ouais, ben oui. Bonjour, Isia. Donc, ben franchement, là, je pense que c'est tout. Bon, je veux dire, le monsieur, les shérifs, puis tout, il a l'air sincère. Lui, je suis pas mal sûr que, bon. Mais, c'est un petit peu. Bon, c'est pas très réaliste, hein, c'est pour. La pénétration de l'énergie agit sur l'ajustement des corps subtils, puisque nous sommes tous différents. Les ajustements sont à notre propre mesure et les effets énergétiques sont personnels. Ouais. Petit Jésus Guigui, un agent de la GRC, vous parlez Steve, l'artiste. C'est bien possible. Mais on voit ça souvent quand ils ont ordre de ne pas arrêter quelqu'un. Quand ils ont ordre de ne pas arrêter quelqu'un, c'est parce qu'il sert. Donc, bon, là, l'affaire, oui, il y a eu des arrestations, des affaires de même, mais c'était pour le show. Un informateur, souvent, là, par exemple, là, il va être en même temps dans un groupe, puis il va être en même temps informateur. Puis finalement, ben, ce qui arrive souvent, c'est que c'est parce qu'il sert. Mais c'est ambigu, c'est des gens ambigus. Puis des fois, ils sont même sincères, même s'ils sont informateurs, puis ça devient Ah, bonjour, Fergus. Donc, c'est sûr que le CRS se sert de lui, là. Ben, en tout cas, faut jamais laisser des possibilités se perdre, donc c'est sûr. Dernière entrevue avec David, excellent. Bon, moi, ouais, je ne l'ai pas annoncé sur la chaîne, finalement, ça n'a pas donné. Mais oui, il y a une dernière entrevue. Puis bon, ben, par rapport à, comme l'autre, là, le monsieur, les shérifs, je suis sûr qu'il est sincère. Certain qu'il est sincère. Le problème, c'est qu'il n'est pas lucide à mes yeux. Ça nuit tout. Toutes ces affaires-là, ça va avoir nuit. Bon, l'affaire qu'il y a eu, les prises de bec. Bon, en tout cas, par rapport à. Je fais attention à ce que je dis, c'est plate, hein? Faut que je fasse attention. Mais non, ça mènera nulle part. Ça mènera nulle part. J'ai fait un enregistrement sur le doute et le double. C'est quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Et là, ton expérience me sert beaucoup en ce moment. Des choses que je vois que j'intègre. Ah bon, mais tant mieux. Moi, ces temps-ci, je sais pas, je commence à remettre certaines choses en question. Pourquoi? Parce que je commence à voir par rapport à tout ce qui se passe, je commence à voir des dangers. Des dangers, des dérives, Je pensais que je ne te donnais pas d'autorité, mais encore une fois, c'est très subtil. Ben, c'est ça. Vous savez, là, d'un gens qui ne me donnent pas d'autorité, je commence à penser que, bon, il y en a, mais bon. Moi, personnellement, je me réfère pas à moi-même tant que ça, dans le sens que je m'accorde pas d'autorité tant que ça, là. Mais même là, c'est quoi de l'autorité? C'est quoi de l'autorité? C'est un ascendant. C'est un. Fait que bon, que bon. Je ne comprends pas pourquoi c'est trop tranquille. Je peux pas croire que la COVID est terminée et qu'il n'y a aucune mesure de guerre pour nous faire chier. N'empêche, j'aime bien avoir la paix pour le moment. Ouais, ben c'est peut-être une petite accalmie. Je suis curieux de voir l'hiver. Vous avez vu en France, là, il commence à. Bon. Votre connexion est instable, veuillez patienter. Bon. OK, ça a l'air correct. Donc, c'est vrai, c'est que. Voyons, quand ma connexion est encore instable, faut se méfier de l'orgueil, moi. J'ai pas le temps de vous lire, là. Béni Néro. Comment ça, j'ai des problèmes de connexion? Mais le gouvernement demande aux Français de donner leurs armes ou de les déclarer ce mois-ci. Aurait-il peur de son peuple à ce point? Putain, en tout cas, il ne nous demande pas cela pour rien. Ouais. Oui. Ben là, c'est pareil ici, hein? Ça coupe un peu, mais rien de sérieux. OK. Ouais, ben ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon. Vous avez vu, là, les Russes se sont retirés de Kherson. Puis les Ukrainiens, festoient. Je suis pas mal sûr que c'est stratégique, ça. Et ça se peut qu'il y ait des mauvaises surprises. Donc, ton image est toute embrouillée. Bon, ça, c'est pas grave. On s'en fout. Ça se peut, là. Je remets tout en question aussi, mais je continue à parler. Je commence à voir que je ne peux affirmer avec certitude, alors ça brûle de l'orgueil. Je me prends moins au sérieux. Moi, ben ça, je l'avais vécu, ce processus-là, avec les années. C'est que des fois, je me demande si, même si on s'exprime le plus objectivement possible, il y a tout le temps des interprétations, des sorties de contexte, puis des fois, on pourrait nuire sans s'en rendre compte. Sans armes, les gens ne peuvent pas se défendre, mais non. Mais c'est aussi que, bon, vous savez, une guerre civile, on ne sait jamais quand ça finit. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. De toute façon, admettons qu'il y aurait de l'instabilité en Europe. OK, là, il y aurait énormément d'instabilité en Europe, crise économique, guerre, la systémique d'État s'effondre. Les armes que les Français ont données aux Ukrainiens vont revenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un marché noir, puis les gens vont se réarmer de toute façon. Ça va circuler. Donc, les gens vont se réarmer. Ben oui. Et à chaque fois, si vous observez l'histoire de guerre civile, c'est toujours comme ça. Donc, désarmer la population, peut-être oui que ça pourrait être par rapport à des projets très rapides sur un laps de temps assez court. Mais sur le long terme, les armes, ça se promène. Il n'y a rien qui se promène le plus sur un marché noir. Toutes les armes qui ont été données aux Ukrainiens, que les Ukrainiens, au fond, c'est une mafia. Ils revendent les armes, une partie. Probablement pour s'acheter de la coke, je ne sais pas. En tout cas, ils doivent tremper dans ces trafics-là aussi. Les armes vont revenir s'il y a de l'instabilité. Donc, on peut se brûler à parler aussi l'énergie de fascination qui ne va pas dans un mouvement qui donne de l'énergie ou qui amène un résultat tangible et durable pour une paix. Moi, mais se brûler à parler. Moi, dernièrement, c'est pas. J'ai une petite baisse d'énergie, mais c'est pas parce que j'ai trop parlé. Puis le mois de novembre, ben, pour moi, c'est une période de l'année. Que j'ai tout le temps une petite baisse d'énergie. Puis, bon, c'est le 11e mois de l'année, hein, j'ai tout le temps une petite baisse d'énergie en novembre, qui est le mois où je suis né. Une créature d'automne, juste avant l'hiver. Puis finalement, ben, bon, on va attendre, là, se libérer du jugement. Mais ça, ce que ça veut dire, pas avoir de jugement. Si on se libère du jugement, j'espère que ça va être pendant. En faisant l'acquisition de discernement. Hein? Le mois des morts, oui. Ben oui, je connais une fille qui canalise avec une entité. C'est impressionnant pour mes amis qui la côtoient. Je comprends l'impression qui magnétise, mais calisse que le monde perd de l'identité et en dépendant. Ouais. L'affaire, c'est que j'ai déjà eu affaire à du monde qui canalisait comme ça. Mais moi, je suis porté à confronter l'information, à confronter l'entité. Puis, c'est pas long qu'il lâche. Dans le fond, c'est pas grand-chose, hein? On se laisse impressionner. Puis, non, non. Posez-en des questions, remettez en question ce qui est dit, puis regardez-les, essayez de se débrouiller. Toujours intéressant. De quel jugement on parle? Moi, bon, c'est ça, là. Le stoïcisme. Hein? Ben, c'est une des philosophies que j'aime bien, qui m'est sympathique. Bon. Hein? Deux sortes de jugements pour moi, le sens critique et le jugement d'autrui. Ouais, c'est le jugement, c'est ça, là. Dans le sens, oui, on peut juger notre prochain, mais dans le sens d'avoir du discernement. Comme l'affaire des shérifs, d'avoir le discernement de dire c'est des folies, j'embarque pas là-dedans. Pas besoin de salir personne sur la place publique ou de le faire passer pour fou. Je veux dire, exercer son jugement, c'est pas nécessairement juger les autres, c'est avoir du discernement par rapport à autrui. Donc, bon, au lieu de jeter l'opprobre, aussi bien s'abstenir. J'aime autant être sélectif que de me chicaner. T'sais. En tout cas. Dans quelle mesure ce qu'on appelle supramental pourrait être tout simplement être objectif, brûler de la naïveté et essayer de vivre une vie saine? Ben, ça reviendra à faire du supramental une philosophie. C'est un petit peu ça, là. Parce que, bon, c'est de l'amour de la sagesse, là, vivre une vie saine. Puis le problème, c'est que pour brûler de la naïveté puis intégrer, des fois, il faut passer à travers des phases de vie qui sont pas saines. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des épreuves puis des choses très malsaines, puis c'est pour ça qu'ils ont intégré puis qu'ils sont moins naïfs. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler le système moral philosophique, ça ne rentre pas. Parce que on a affaire à quelque chose qui est des forces au-delà de ces catégorisations-là. Que l'être humain, lui, par son ego, par son psychologique, il va caractériser des choses comme dire, ça c'est sain, ça c'est pas sain. Mais il reste que si on ne vivait pas de choses malsaines, on n'en aurait pas développé de discernement. Dans le fond, ça serait n'importe quoi. Supramental n'a rien à voir avec une vie saine, et voilà. Mais non. C'est ça, là, ça n'a pas. Une vie saine, j'oublie ça. Il va falloir vivre ce cas à vivre et se démerder pour rester cohérent et lucide jusqu'à la fin. Ouais. Donc, la souffrance est une force au fond. Ben oui, c'est de l'information. C'est un peu comme Louis, là, Dora, la vue. Quand vous souffrez, c'est de vous percevez de l'information. Mais là, l'affaire, c'est qu'on n'a pas été éduqué à traiter l'information. Donc, bon, c'est ce qui nous permet, une fois l'orage passé, de se remettre en question pour être meilleur le lendemain. Oui. Oui, d'une certaine façon. Mais c'est une constante remise en question, de toute façon. Parce que l'affaire, c'est bon, intégrer le réel. Mais le réel, c'est pas un paradigme psychologique. Donc, l'intellect est appelé à se déconstruire lui-même pour affiner la perception un peu. Là. J'ai été un an et demi à ne plus rien savoir du supra. Moi, ben, à un moment donné, là, moi aussi, ça m'arrive. Ça dure. L'affaire, c'est que, par contre, certains phénomènes, puis ça, bon, ça a plus rapport avec ce qu'on pourrait appeler le supra, genre le phénomène social, collectif. Celui qui arrête de se remettre en question devient une sorte de PNJ, ouais, qu'on pourrait dire un con. Le pire, c'est que le supramental, ça rend con. Mais pas con dans le sens de stupide. Ça rend con dans le sens qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne donnez plus la même valeur, psychologiquement parlant, à la vue d'autrui. Donc, dans le supramental, il y a des méchants phénomènes. Il y en a qu'ils agissent comme des cons. Pas parce qu'ils sont cons, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils ont dépassé le conditionnement social un peu. Puis là, il y a une phase comme ça. Ça fait du monde fendant, ça fait du monde. À quel pourcentage que la pensée vient d'ailleurs? La pensée, ça vient toujours d'ailleurs. Dans le sens, ça dépend de quoi on parle. Mais si vous observez objectivement votre pensée, vous êtes capable de dire ma pensée ou de dire la pensée, vous voyez, il y a un rapport d'objet. Donc, la pensée ne vient pas de la chose qui pense penser. C'est une reconfiguration. En tout cas, ça vient un petit peu complexe, mais l'ego n'émet pas des pensées. C'est-à-dire, les pensées viennent au monde à son contact, mais c'est pas lui qui les... ça vient pas de lui. Dans le son, il y a une identification psychologique aux pensées. Elle est là, l'illusion. C'est pour ça l'affaire, la pensée vient d'ailleurs. Comme quelqu'un qui pense « je suis pas bon, je suis pas fin » ou qui pense « je suis fin, je suis bon », ça vient pas de lui. Ça ne vient jamais de lui. Quelqu'un d'objectif ne va pas avoir à se qualifier dans un jeu comme ça. Donc, bon, les intelligents, ils se remettent toujours en question, mais on pas les, pas les autres. Les autres, ils se considèrent comme les intelligents. Ben, une des bases du supramental, c'est que on n'est pas intelligent, dans le fond. C'est dans le fond, là. Mais ça, se ramasser tout seul avec soi-même, puis l'observer, ça devient dur. Bon, en tout cas, c'est. Oui, il y a un danger, même pour moi, qui prend la parole. Genre, ça excite l'astral et ça manifeste dans les événements, ce que je parle, moi. Ouais. Ben, c'est réactif, hein? C'est très réactif. Il y a beaucoup de solitude quand tu vois le réel. Il n'y a pas grand monde qui sont assez sensibles pour voir les subtilités dans la polarité de toute chose, moi. Mais l'affaire, le cloisonnement, c'est ça un petit peu, là, à un moment donné, on se sent tout seul. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est. On n'est pas dedans tant que ça. Je veux dire, la personne, elle va dire, je vois le réel, puis je suis isolé à cause de ça. Ça veut dire qu'il y a encore de la naïveté. À un moment donné, plus tard, il va avoir un retour vers les autres, possiblement, puis se rendre compte que finalement, je ne le voyais pas au point que je pensais tant que ça encore. Mais bon, à un moment donné, on retourne vers le monde. Est-ce que la réalité est une construction individuelle? Oui, ben moi, c'est ma définition de réalité. En fait, nos pensées peuvent être reconfigurées. La preuve que c'est des configurations à la base. Non. Alors, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit si la pensée vient d'ailleurs. C'est pas ça l'affaire. Il faut faire un discernement entre la pensée puis le gestionnaire de la pensée, l'ego de la façon qu'il gère sa pensée. Oui, vous pouvez en vouloir à un ego parce que justement, il n'y a pas le discernement de ses pensées. Puis ça fait son affaire, puis on n'est pas responsable des pensées, puis on ne fabrique pas les pensées, mais on est responsable de la façon dont on les gère. Donc, dans le fond, la pensée vient de toi si c'est la contrepartie cosmique qui envoie la pensée. Ouais, c'est notre énergie qui est mal gérée par nous-mêmes et par notre niveau d'éveil de conscience. Voilà. Oui. Aimez-vous mieux l'anglais britannique ou l'anglais américain? Ben, j'aime ni un ni l'autre, là, mais j'ai moins de difficultés à comprendre les Britanniques. J'ai moins de difficultés à comprendre les Britanniques, les Australiens. Bon, les Canadiens anglais un petit peu aussi, là, ils parlent bien. Mais bon, sur les accents du sud des États-Unis, là, j'ai bien de la difficulté des fois à comprendre. Donc, ben, je n'aime pas plus un mieux que l'autre, là. Pour moi, l'intelligence n'est pas un état d'être, mais plutôt quelque chose auquel on a plus ou moins accès. Voilà. Oui, parfaitement d'accord. Fergus, intéressant, l'histoire des sciences occultes et les documentaires. J'ai juste écouté le premier. C'est lourd et très intéressant en même temps. Moi, ben, les documentaires intéressants, il n'y en a pas tant que ça. On a été bombardé de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, puis je les trouve plates. Ces trois-là sont intéressants, mais ça vient d'Amérique du Sud, puis bon. Que penses-tu de cette phrase? Parfois, pour gagner, il faut perdre. Ben rien, je veux dire, c'est correct, c'est juste. Oui. Le chaînon manquant. Par rapport à hier avec David, il nous manque déjà un gène, et tu parlais, qui pourrait arriver avec la science qu'on en enlève d'autres. Ben, c'est plus la conséquence de la façon dont l'être humain gère ça. On a déjà perdu des choses impossibles là, à retrouver. Je suis pas mal certain que c'est archivé quelque part, mais bon. Comment faire pour vivre avec des naïfs? Ainsi, moi, j'ai des amis et je côtoie des gens naïfs, mais je les aime quand même. Je fais pas de la fuite en côtoyant ces gens. Ben, il faut pas. C'est comme un adulte qui dirait, ben, moi, j'aime pas les enfants parce qu'ils pensent en enfants. Ben non, c'est au contraire, c'est une raison de plus pour être protecteur. Puis, au fond, les gens, on n'a pas à les catégoriser selon leur niveau de conscience par rapport. Bon, j'ai encore des problèmes de connexion. Bon, en tout cas, j'ai dit dans une vidéo que nous sommes venus du futur corriger quelque chose dans le présent. Moi, ça dépend de l'autre côté. Ah, ok, ça faisait un bout que je me posais cette question à propos de cette pensée qui n'est pas de nous. Ben, c'est parce que l'être humain, il s'identifie à ses pensées. Ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, des poissons qui pensent être de l'eau, on est plus complexe, là, que ça. Mais bon, en tout cas, oui, on a perdu, mais comment perdre quelque chose qui peut se recréer? Ouais, mais là, il faut la connaissance, là. Dans le sens, d'où le savoir, ouais. Mais là, bon, les Écossais sont les plus durs à comprendre, sinon l'anglais britannique est plutôt classe, moi. Ben là, c'est sûr, les Écossais, ça, bon, ben, ça, c'est comme le gaélique, puis c'est l'anglais, là. On voit que ça vient d'en haut, ça vient pas d'en bas, hein, ça, sont arrivés par en haut. Ok, merci. Nous sommes tous les naïfs de quelqu'un à un moment donné. Oui. Ben oui. Ça, c'est pour ça que ça donne rien de se comparer, ça donne rien de bon, de hiérarchiser, ça donne rien de faire ça. C'est notre côté animal social, ça. Puis, bon. Je veux dire, c'est subjectif, ça n'a pas le choix de l'être. Donc, bon. C'est comme s'il y avait une banque de données qui envoyait des idées préconçues pour un projet de vie. Ben, il y a des choses étranges comme ça. Prenez les bureaux des brevets, les gens qui travaillent dans les bureaux de brevets, parfois ils voient arriver deux personnes qui arrivent avec la même chose qu'ils veulent breveter. Puis là, ils vont s'accuser un l'autre de plagiat. L'affaire, c'est qu'ils ont simplement eu l'idée qui était disponible au même moment. Mais les deux sont dans l'illusion psychologique de s'identifier à leur pensée. Donc, ils pensent que c'est leur pensée. Ils ne comprennent pas que c'est un phénomène de captation. Puis c'est pour ça qu'il y a eu une simultanéité. Donc, la guerre prend. Puis finalement, qui est le vrai découvreur? Qui est le vrai inventeur? Ben, personne. La pensée ne vient pas de vous autres, esti. On essaie de faire breveter. Ça fait penser comme quand Caligula, il avait fait une expédition pour aller voler des coquillages parce qu'il était en guerre avec Neptune. Ouais, en tout cas, c'est moins. On le fait, veut, veut pas. Pendant un temps, ça sert, mais à un moment donné, on voit à quel point c'est subtil et ça se place. Ben, c'est ça, l'intégration, il y a un délai. Ça peut prendre 10, 15, 20, 25 ans. Puis même il y en a, ça fait 45 ans. 45 ans, puis sont. C'est plus ou moins fait, là. Bon, désolé, je n'ai pas rapport avec ton direct, je travaille en ce moment. Mais j'aimerais bien te parler de notre ami commun, Monsieur D. Ah, je suis Manon, comment se rejoindre? Je ne sais pas, on va y penser. On va y penser. On a encore des amis en commun. Elle vient de où la pensée? Ça, c'est une spatialisation. Prenez votre ordinateur, il y a de l'information dedans. Mais ce n'est pas un espace spatial au sens où on l'entend d'habitude. C'est des 1 et des 0. Mais c'est pareil, la pensée, c'est pas spatial comme nous on l'entend. Donc, ça vient d'où la pensée? Ben, ça vient de son propre plan. C'est comme un plan avec ses propres planètes, ses propres satellites, puis ses propres lois. Puis bon, mais c'est pas spatial comme nous on le spatialise, comme nous on l'entend. En tout cas, comment se fait qu'il y a qu'un. Attendez, là. Elle vient d'OK. Faut pas être obsédé. Ah, wow, là, ça va trop vite. Bon, ok. Faut pas être obsédé par ça non plus. Quand t'as plus de questions, tu passes à autre chose. Moi, ça a pris juste 2 ans. Moi, ben, c'est juste que. Comment je pourrais dire ça? Ça peut pas être. J'en ai vu que ça va trop loin. J'en ai vu, puis bon. C'est à un moment donné, oui, ça devient des obsessions. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégration. Donc, comment se fait qu'il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui en parlent de toute cette fabuleuse histoire de vie? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ben, je suis pas non, moi je trouve qu'il y a pas mal de monde. C'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose qu'il va en parler. Je veux dire, une grande majorité des petites filles sur la planète vit le jour de leur première règle. Pourtant, elles ne sont pas toutes là d'en parler. Ça n'empêche pas que ça se produise pareil. Le monde le vit pareil. Bon, ceux qui se conscientisent maintiennent un état de guerre constant dans leur territoire psychique, tandis que les chrétiens attendent Dieu qui viendront les sauver. Ça serait intéressant qu'ils fusionnent. Ouais, là, je sais pas. Là. Ceux qui se conscientisent un état de guerre constante dans leur territoire psychique, vous savez, les débats des chrétiens aussi. Ben oui. Mais sauf qu'eux, ils vont donner d'autres formes. Ils vont dire, oh, le démon m'a envoyé des mauvaises pensées, je combattais ça. Ça prend d'autres formes, c'est tout, mais je sais pareil. Ça ressemble pas mal. Faut respecter la forme. Moi, je coupe quand le monde arrive sur mon Facebook privé. Ouais, ben là, c'est parce que ça devient. Moi, c'est moins ajusté. Sans entrer dans les détails de ce que je traverse en ce moment, il n'y a aucun doute que les forces tentent de freiner mes actions concrètes. En tant qu'être transitif, c'est très intense. Ouais, ben vous savez, c'est un petit peu comme une académie militaire. Ils vont pas vous diplômer sans avoir testé vos compétences. Fait que bon, on n'est pas obligé de le polariser non plus, là. En tout cas, je sais que à chaque fois que j'ai eu la prétention de maîtriser quelque chose, je me suis le fait tester. En tout cas. Je trouve ça déplacé. Le monde manque de discernement et pense que je peux les aider avec des phénomènes paranormaux. Ouais, pas en plus, c'est pas le fun de souffrir ça. Je veux dire, comme travail, là, consulter tous les gens qui ont des problèmes. Ben, ça m'est arrivé d'en faire un petit peu. Habituellement, quand le monde se rendait jusqu'à moi, c'est parce qu'il y avait vraiment été voir tout. Fait que là, ni les psychiatres, ni les prêtres, ni personne ne peut rien faire. Fait que là, c'est comme le désespoir, puis on se ramasse avec le pire. Donc, oui. Vous savez, le problème, c'est que les gens ils vivent des choses par rapport à des phénomènes, puis aucune expertise réelle de rien. Dans le sens que ceux qui ont la prétention d'avoir des expertises là-dedans, que ce soit des gens, des parapsychologues, il y a des universités, ou bien des prêtres, ou des rabbins, des imams, mais non, ils n'ont pas l'expertise dans le fond. Puis, à part avoir peur, c'est comme quand vous avez des phénomènes qui se rapprochent des phénomènes de hantise, il y a beaucoup de gens qui font venir un prêtre. Ça devient un catalyseur, puis les manifestations deviennent beaucoup plus agressives. J'ai cherché l'erreur, là. Il y avait un cas, je me souviens. La petite fille, elle avait des talents de télékinésie, mais c'était inconscient. Puis quand venait le temps de faire les devoirs, les meubles bougeaient. Puis là, ils ont fait venir un vieux curé, puis le bonhomme, c'est l'esprit du mal, ça, parce que c'est quand c'est l'heure des devoirs de catéchèse. Puis... Moi, j'ai une autre thèse. J'ai une autre thèse. En fait, la petite fille est à un âge où sa libido se développe, puis elle en refoule une partie. Puis elle vit beaucoup de frustration. Puis possiblement que c'est là que ça se manifeste. Tout simplement, puis là, il faut apprendre à canaliser ça. Bon, c'est pas compliqué, là. Puis des fois, souvent, où il y a des familles qui ont des phénomènes comme ça, surtout rattachés à une petite fille. Chercher dans l'entourage s'il n'y a pas un abus, des abuseurs de quelconque. Parce que c'est une réaction qui est liée à l'entourage, ça. Donc, bon. Hein? Mais ça, ne demandez pas à un prêtre d'essayer de le voir, ça. Quand on ne voit pas dans sa propre cour, on n'est pas habilité à aller arpenter celle des voisins. En tout cas. Les rêves, c'est un rêve dans le rêve. Oui, si vous définissez votre vie diurne comme un rêve, oui, c'est un dans le rêve. Histoire de vie, Mais de quoi tu parles, Daniel? Oh, oh, Fergus. Oublie ça, je veux pas tomber malade ni changer de cage, alors je me retire. Pas la vibration pour ça, c'est pas de mes affaires. Oh, je me suis débrouillé, alors je sais qu'ils peuvent aussi se débrouiller. Moi, ben oui. Mais non, mais il y en a qui voudraient mettre la consultation comme par exemple comme une condition sine qua non à toute forme d'intégration. Pourquoi? Ben, parce qu'ils chargent à l'heure. Moi, je le vois de même, là. Peut-être en partie tard. Je ne dis pas non plus nécessairement malhonnête. J'ai été canal pour une amie, son père décédé, et après, à chaque fois qu'on se voyait, elle me le demandait tout le temps. J'ai coupé les ponts et j'ai terminé mon canal pour eux. Ouais. C'est parce que ça devient. C'est pour ça que j'ai toujours mis une cloison entre ma vie et ces affaires. J'apprécie la simplicité de ce que tu nous amènes par rapport à la charge magnétique dans l'émotion qui peut se traduire par des phénomènes. Ouais, ben, il y a bien des choses qu'on ignore encore. Puis, prenez. Le syndrome de Tourette. Comment que les neurologues présentent ça, puis moi, j'ai jamais considéré ça comme quelque chose de tout à fait incurable. Mais j'ai une autre façon de le. Un fait cocasse, mon beau-fils me parle à la française en imitant un YouTuber français. Il me lançait des phrases d'attitude. J'ai répliqué sans même savoir que j'allais dire. C'était parfait. Alors, elle ne maîtrise rien, justement, seulement de ne pas sombrer dans des états dépressifs en restant centré malgré les apparences. Moi, ben, c'est ce qui est important. Bonjour et merci pour les vidéos de la chaîne. L'histoire, l'essentiel y est, le reste n'est que de la littérature. Oui, il y a des choses dans ces documentaires-là que, bon, j'en prends et j'en laisse parce qu'il y a des choses qui sont dites que on n'est pas sûr, il n'y a pas de. C'était des thèses, si on peut dire, mais les clés principales sont là. Puis, j'ai pas vu ça souvent dans des documentaires. Je parlais du fait que personne, à part un petit groupe de personnes, en parle, que la pensée vient d'ailleurs. Il y en a qui en parlent. Il y a même des neurologues puis des physiciens qui commencent à s'en rendre compte. Même, il y a eu des philosophes qui effleuraient tranquillement. Qui se rendait compte, bon, prenez le courant psychologique comme Bergson, puis on n'est pas loin, là. Ça s'en venait. Par rapport à la petite fille et des gens qui sont vivent ou qui pensent qu'ils vivent des contacts avec des entités alors que c'est une réalité manifestée par l'observateur. Oui, c'est souvent comme ça. Ou bien souvent, ce qui va arriver, s'il y a réellement quelque chose qui intervient, ça va de servir des facultés d'une personne pour se les approprier. Donc, bon, j'en ai un, je connaissais, lui, il avait son grand-père décédé qui venait le visiter, puis il disait, je comprends pas, j'ai froid, ça me donne froid. Puis après, je suis mort de froid. Puis j'ai dit, ben, tu peux fournir l'énergie. Tu fournis l'énergie vitale. Arrête ça tout de suite, là. Ça sert de ta mémoire, puis de ton amour, puis ça sert de l'affection que tu avais pour ton grand-père, pour te vampiriser. Puis finalement, bon, on a fini par le confronter l'affaire, puis il a vu que c'était de la merde. C'est souvent de la manipulation ou des entêtisations, c'est-à-dire on se manipule tout seul. Là, ça donne à rien de perdre de l'énergie. En tout cas, canalises-tu une entité ou une mémoire enregistrée en présentant la chose à ton ami comme la deuxième option, qui selon moi est plus juste? Sa fascination aurait diminué. Ah oui, vous parlez. Ok, Daniel, alors tu trouves que c'est une petite histoire de vie, petit groupe. Je pense que le monde est trop petit pour avoir des grands groupes. Faut voir ailleurs, tout le monde le vit. Quelles sont les répercussions des conséquences d'une personne qui canalise et des personnes qui désirent obtenir des informations d'une canalisation à partir de l'invisible de la personne qui pratique? Ben là, c'est du cas par cas. Mais moi, déjà là, l'affaire de canaliser, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça Il y a eu, dans les années 70-80, il y en a eu une épidémie de canalisation de toutes sortes d'affaires. Puis, bon, on juge un arbre à ses fruits. Bon, c'est ça. Tu sais, Shirley MacLaine, puis bon, moi j'étais bien, bien critique de ça. Puis d'ailleurs, ce qui en est ressorti, ben bon. Beaucoup de monde le vit, Daniel, mais ils ne sont pas publics. Ça me touche de rejet, de dérision. Ben oui, ben dans le fond, c'est pas important. C'est pas important. L'idée qu'on en a, c'est pas important. C'est pas de la science humaine, là. C'est pas. Bon, en tout cas, je veux dire, dans le supramental, il est question des choses qui sont vécues en dehors de ce contexte-là. Bon. Donc, ça n'a pas rapport, c'est juste une façon d'aborder les choses. Pour rester au niveau des choses. Beaucoup de. OK, bonjour, est-ce que vibration et intuition sont de même? Non, pas tout à fait. Non, non. Donc, pas tout à fait le même phénomène. Mais ça peut être lié. Donc, bon. Je te laisse le doigt faire du ménage à plus. OK, bon, ben, bonne journée. Bonjour Bertol, à tous, je suis en retard. J'ai manqué le début. Ben, vous pouvez le reprendre. De toute façon, il reste 15 minutes à peu près. Ben, pour l'entretien que j'ai eu avec David, je m'en souviens pas, ben, franchement. Là. Mais oui, il y a une nouvelle entretien. Benin, tu parles, tu informes, c'est simple. Et c'est intelligent. Tu le sens si ça contourne, oublie. Fie-toi à la vibration, tu vois l'énergie qui se dégage. Ouais, ben, quand il y a une vraie parole, là, quand que ça se met à parler, puis que c'est très, très clair, c'est très clair, on le sent. Hein? On le sait, puis on le sait. Puis c'est. Ouais. Ça m'est arrivé hier, je me souviens pendant l'entretien avec David, mais je ne me souviens plus par rapport à quoi. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai dit quelque chose que je ne me souviens plus, mais que j'aurais pu prendre en note. Mais c'est comme à un moment donné, pourquoi, c'est quoi le mensonge? C'est quoi les lois du mensonge? J'avais demandé ça, puis ça me répondait que c'est l'intellect. L'intellect, c'est ça qui fait que le mensonge existe. Et tu peux pas avoir de mensonge sans intellect. Puis l'intellect de l'humain serait configuré selon les lois du mensonge. Puis par après, je le regardais. C'est pour ça que j'ai parlé avec David, mais par après, je le regardais, puis je me suis rendu compte que oui. Je veux dire, l'idée de mensonge est impossible sans l'intellect. Un animal dans la nature qui va se camoufler, qui va avoir un camouflage pour, il va singer l'environnement pour déchasser, mais c'est pas du mensonge. C'est pas pareil. Le mensonge existe réellement seulement au niveau de l'intellect humain. C'est vraiment quelque chose d'humain. Donc, l'affaire de faute originelle, d'entrer, bon, la science du bien et du mal, puis c'est normal que ça vienne de pair avec l'intellect puis le mensonge. C'est sûr, c'est de ça dont il est question, dans le fond, entre autres. L'être humain, il s'est mis à réfléchir. C'est ça, être comme des dieux. Bon, en tout cas. En tout cas. Imaginez un instant une personne qui fouille vos albums, photos, se déguise en votre grand-père décédé et vient vous donner un câlin pour prendre la chaleur. Des comas, ah oui, c'est ça, ça ressemble à ça. Hein. Est-ce que notre esprit, c'est lui, notre ami, qui est là pour nous aider? Ça, c'est délicat. Parce que, comme je le disais, je vous en ai des notions psychologiques de tout ça, comme par exemple, on va vouloir avoir une vie saine. Alors qu'au niveau de ce qu'on a intégré, des fois, il faut vivre du malsain. Donc, votre esprit, des fois, c'est lui qui va vous mettre dans la merde. Il va vous aider à vous mettre dans la merde. On va l'interpréter psychologiquement comme s'il nuisait, comme si c'était une nuisance. Pourtant, c'est notre ami qui est là pour nous aider. Mais oui, mais des fois, nous aider, des fois, c'est nous nuire. C'est un petit peu. Sinon, on serait un petit peu comme des enfants gâtés. Hein? Ça serait. Bon, en tout cas. Les systèmes des plans mentales et astrales ne sont pas contre nous. C'est des structures qui créent du mouvement pour évoluer. La personnalité subjective le prend personnel. Moi, ben, c'est un petit peu comme. Si on regardait, par exemple, ici, c'est la forêt boréale. La nature est assez austère et assez dure. C'est comme si je regardais ça puis je disais, ben, la nature est méchante, c'est un territoire pas gentil. C'est un peu ça, l'astral puis le mental. Dans le sens que c'est sûr que c'est hostile, c'est sûr que c'est dur, c'est sûr que c'est dangereux, c'est sûr que, ben oui, mais c'est nous qui, après ça, on va qualifier ça en gentil, pas gentil. Ils ne sont pas contre nous, c'est nous qui sommes polarisés. Voilà. Ah bonjour, Jean. Je viens juste d'écouter une courte vidéo, 2 minutes 33 secondes, que Pierre Blanchette qui vient de poster, qui s'intitule La programmation des esprits. Wow. Ouais, mais lui, il parle l'esprit au sens commun. C'est pas pareil, là. On parle pas de la même chose. Mais lui, bon. Ben, c'est comme il a dénoncé l'affaire du 11 du 11. Mais leur fétichisme pour le 11, moi, je le sais bien d'où. C'est bon. Il y a l'autre, la Madame Guiss, elle a des notions de cabale lourianique. C'est surprenant, ça. Mais ça veut dire qu'elle est là-dedans, qu'elle est dans ces affaires-là. Fait que bon, on le voit d'où ça vient. Mais il reste que, faut pas trop être simpliste non plus. Comment vois-tu les expériences type ayahuasca, lichage de crapaud, c'est, il me semble pouvoir réellement régler des trucs. Ouais. Ben, c'est une activité de compensation. Je le vois comme ça. Mais c'est pas nécessairement mauvais, mais je déconseillerais aux gens. C'est comme le San Pedro, ces affaires-là. Là. En tout cas, l'esprit est aussi dans l'inconscient. Là, c'est parce qu'on parle. Ben, l'esprit, c'est un. Comment je pourrais dire ça? On pourrait dire au-dessus. Au-dessus de. L'esprit nous nuit pour nous faire évoluer. Voilà. Ouais, c'est nous autres, d'un point de vue psychologique, qu'on considère ça. Pierre est dans le prosélytisme à fond. Ben, c'est sûr, il veut sauver les arbres. Parce qu'il est dans un paradigme comme ça. Mais s'il y a ses propres angoisses aussi, possiblement. Ben, c'est correct qu'il fasse son affaire, qu'il sauve les arbres. Il va se rendre compte que c'est pas lui qui est juge, puis c'est pas lui qui décide qui est sauvé, puis qui l'est pas. Puis bon, c'est quoi l'affaire? Il y a un livre de mort, puis un livre de vie, puis tout est déjà écrit. C'est un petit peu de l'orgueil penser qu'à notre niveau, on a le pouvoir de sauver des âmes, puis qu'on peut, on a le pouvoir d'être juge. Pour ça que bon, tu sais. C'est correct aussi. Si on est dans l'humilité, on devrait être sur le bon chemin. L'humilité, c'est une polarité de l'orgueil. Ça fait partie de l'ego psychologique. C'est-à-dire que si votre humilité, c'est une attitude psychologique, c'est une polarité de l'orgueil. Ça veut dire que c'est une manifestation de votre orgueil. Dans le sens, vous avez déjà vu des gens qui sont dans la pauvreté qui disent « Je suis pauvre, mais moi, je suis honnête, puis j'ai tout le temps, blablabla. » On se rend compte qu'ils sont orgueilleux de leur humilité. Ben, il y a une différence entre des gens qui sont pauvres parce qu'ils ne donnent pas d'importance à certaines choses, puis qu'ils ont une certaine lucidité par rapport à ça, qui fait qu'ils n'ont pas hiérarchisé leurs priorités de la même façon que d'autres, puis un dominicain qui fait le vœu de pauvreté, puis qu'après il se montre comme une autorité morale, puis qui jette l'opprobre ben, au monde. Oui, c'est de l'humilité, mais c'est de l'humilité d'orgueil. J'ai bien de la misère avec ça. Quelqu'un qui est dépolarisé, il est ni orgueilleux, ni humble. Ça va être ni un ni l'autre. Ça va être difficile de dire concernant l'humilité. Même la colère devient limitée à un certain niveau. Beaucoup, c'est une polarisation subtile. En fait, il faut que ça se transmette en volonté. C'est parce que la colère psychologique, c'est dur de transmettre sans volonté. Très difficile. Ça prend de la colère mentale. Ça c'est plus facile à transmettre en volonté parce que c'est pas psychologique. La volonté psychologique, c'est de l'attitude, c'est de la motivation, c'est de la... Tandis que une volonté réelle, peu importe l'état psychique, ça va continuer, ça va. Même la personne, t'as beau la motiver, la démotiver, elle va. Ça ne l'affectera pas. Donc, il y a des gens qui ont une volonté réelle, mais pourtant, dans un état de dépression, ils vont quand même accomplir leur volonté. Même sans motivation, c'est spécial, là, mais ça arrive. Le type de personne qui, dans un contexte de l'Espagne médiévale, aurait brûlé des gens sur le bûcher, ça fait peur, c'est ce que je pense aussi. Si, ce que je pense aussi, ben, c'est dangereux. Mais vous savez, qu'est-ce qui ressemble le plus à des hérétiques qui brûlent? Ben, ceux qui les ont mis là. C'est pour ça qu'ils sont en rapport étroit, dans le fond. Prenez dans le temps, vous avez Rome qui persécute les chrétiens, puis ils ont des machines de torture élaborées, puis tout, puis par après, il y a le Rome se convertit au catholicisme, il y a Constantin, puis des siècles après, vous avez les mêmes machines de torture, mais là, c'est pour persécuter les hérétiques. C'est les mêmes forces, là. Les mêmes forces qui persécutaient les chrétiens, qui aujourd'hui se disent, à un moment donné, se disent chrétiennes, puis persécutent les hérétiques, c'est les mêmes forces. Le prince de la terre, il s'exprime à travers les institutions humaines. Donc, dès que le christianisme est devenu une institution humaine, genre l'Église apostolique, la Sainte Église apostolique romaine, ben c'est le prince de la terre qui avait récupéré, là. Moi, à mes yeux, un petit peu comme les albigeois, je considère tous les gouvernements comme luciférien, puis toutes les religions organisées comme sataniques. Puis à mes yeux, ben, l'Église catholique, c'est un des aspects du prince de la terre. C'est pour ça qu'ils ont torturé puis du monde, comme les païens faisaient avant. Je veux dire, c'est une récupération par les institutions humaines. Puis, jamais remettre sa foi dans des humains. Une institution humaine ne peut pas être sainte. C'est impossible. Donc, juste l'affaire Sainte Église catholique, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis, il parle tout le temps de la même affaire. Est-ce qu'il parle du Christ des Évangiles? Est-ce qu'il parle du message du Christ des Évangiles? Non, ben, la Sainte Inquisition, les Saintes Croisades, la Sainte Église, puis c'est tout merveilleux. C'est tout le temps vers de l'humain qui se tourne. On le voit, ce qui est... dans le fond, c'est ça de l'idolâtrie un peu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je veux pas. Tout ça, moi, je ne veux pas être en guerre contre l'Église. Je veux pas. Bon, je m'en fous de. Je n'ai pas affaire à moi, je n'ai pas affaire à eux autres. Tant que ça n'aura pas de bon sens, puis ça n'en a jamais eu. Fait que bon, ils vont attendre longtemps avant que. Le plus difficile de toute chose, c'est de passer de l'orgueil à l'humilité, selon moi. Ben, la preuve, c'est des polarités. Là, on est dans de la transformation psychologique. J'en connais des gens qui sont dans l'humilité, ils ne remettent jamais ça avec leur humilité en question. Là, on voit l'orgueil apparaître. Là, ils sont pas contents. Ben oui. Passer d'une polarité à l'autre, c'est typique de la polarisation psychologique. Il n'y aurait pas une phase entre les deux. Pourquoi ça passe du... Regardez-les, ça. Je vois la nuance subtile, oui, psychologie VS mentale, c'est très subtil, ouais. Les tortures plus subtiles. Le COVID, Bou a aussi fait voir qu'on opérait les CH, à gaz en Allemagne, les nazis qui se fermaient les yeux et qui jubileraient. La société me dégoûte plus qu'avant. Bon, moins c'est réel, moins. Moi. Mais là, c'est certain que l'Europe, bon. Ça va être plan Marshall numéro 2 après ça. Puis bon, en tout cas. J'ai le dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes entre les mains, celui de qui? Et c'est très intéressant. Ça sert à moins se faire avoir partout les courants mystiques ou spirituels, loin justement. Mais... Il y avait une collection qui avait été dirigée par, je pense, Louis Powell, qui était assez complète là, sur l'histoire. Mais c'est tout le temps orienté, hein, ces affaires-là, c'est bon. Il est fou. Abou Lafia. C'est qui dernièrement que j'ai entendu parler du Talmud? Puis je dis, Christ, qu'il n'y a pas rapport. Chris qui n'a pas rapport. Oh, je suis le monsieur des shérifs, là. Il parlait, oh, c'est écrit dans telle affaire, hein, puis dans le Talmud. Ben, c'est pas écrit ça dans le Talmud, là. Le Talmud, c'est, entre autres, c'est Maïmonide, puis bon. Que c'est pas pareil. La timidité est une forme d'orgueil, oui. Oui. Les gens timides, souvent dans l'enfance, ils ont été humiliés par une autorité. Ça peut être les parents, ça peut être un grand frère, une grande sœur. Puis ils ont été humiliés quelque part. Puis les gens timides sont dans la peur constante d'être humiliés, de faire rire d'eux, souvent. Puis ça vient de leur orgueil. Et c'est tellement paradoxal, mais c'est là que la psychologie, on se rend compte, c'est paradoxal. La psychologie. Donc, bon. Oui, la timidité, c'est une force. Ça vient de l'orgueil, entre autres. Il y a surtout une peur de l'humiliation, puis d'habitude, ça vient de l'enfance. Ça vient. Jean-Michel Salmon, un Français de Paris, sous sa direction scientifique. Ah oui, ah, je connais pas. Mais c'est un collectif d'historiens. Ah bon. Ouais, ben. Souvent, les collections sont quand même dirigées par quelqu'un, puis il va y avoir une direction d'ensemble. Il va avoir un. Bon. C'est rarement objectif, ces affaires-là. Mais bon. Mais tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qui se sont passées. Tellement de choses. C'est comme. Juste les chicaneries qu'il y avait eu avec Vintra, les Français l'appellent Vintra, c'est Vintraus, le magicien Vintraus, qui avait eu des chicaneries avec d'autres. C'est intéressant de regarder l'histoire de ça, puis après l'abbé Boulant, puis comment ce genre-là était fou. C'est des fous. T'sais, regardez comment Stanislas de Gaëta est mort. Il était probablement en sortie sur les plans, puis sa famille. Ils l'ont enterré. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ben oui, mais là, bon, quand on se plonge dans des états seconds avec la drogue, des fois, ça peut avoir des accidents. Mais moi, c'est surtout ces aspects-là que je trouve intéressant de voir à quel point ça ne change pas. C'est de la chicanerie à pu finir. C'est toute la chicanerie qu'il y a eu entre les différents courants. On le voit, c'est quoi de la division? Puis ça revient au même que l'Église. Ça ressemble aux chicaneries dans l'Église. Les chicaneries qu'il y a eu entre les théosophes qui étaient de tendance orientaliste, puis les néo-gnostiques qui étaient de tendance hébraïsante, puis les chicaneries que. Ça ressemble à les chicanes qu'il y avait entre les bénédictins puis les franciscains, là. Plus ça change, plus c'est pareil, puis c'est pareil partout. Bon. En tout cas. Mais oui, moi, la collection que j'avais, c'était Louis Powell qui était directeur de la collection. Mais c'était, il y avait dedans des extraits d'un paquet d'auteurs. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Comment il s'appelait il est devenu éditeur, lui, c'était un astronome, Flammarion. Camille Flammarion a écrit des choses intéressantes quand même. Le docteur Gayle, tous les physiciens, entre autres des chimistes, qui se sont penchés sur certaines choses. Puis bon, Roselyne Ayala fait partie des auteurs aussi du livre. Oh, connais pas. Ben c'est vrai que c'est un petit peu vieux jeu. Les auteurs que je connais sont bon. Ils ont pris leur retraite il y a longtemps. Mais comme j'ai eu un désintérêt à un moment donné, tout ce qui a été publié à partir des années 90-2000, ça, je ne connais pas trop. J'ai lu par rapport à tout, les débuts. Je connais les classiques. Les classiques. Puis, mais dans les nouvelles, les nouvelles républications, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas, qui sont importantes. En tout cas, j'ai connu une albigeoise. Elle priait la Vierge tout le temps, était guérisseuse pour ses enfants. Très étrange car elle était connectée dans l'astral, pas à peu près. Ben oui. Ben oui. En tout cas, t'sais. Alors, j'ai lu sur tous les auteurs de la Renaissance. Ah oui. Moi, ben, c'est parce que c'est des époques bouillantes, puis pas mal toutes. Je veux dire, c'est comme une soupe, là, ce qui mêle tout. Mais comme j'ai un peu, j'écoutais le monsieur, là, les shérifs, là, tout ce qui était vrai, puis c'est une soupe, hein. Il mêle tout, puis un moment donné, je chialais contre la gravité. Ça, c'est Einstein, ben, Einstein, pas correct. Non, ça, c'est Newton, puis ça n'a pas rapport avec ce que tu dis, puis ben bon. En tout cas, mon beau-père disait toujours, toutes les vieilles sorcières, elles vont à l'église pour prier, elles ont toujours fait du mal. Ça, j'en ai connu en masse. Ben, ça fait partie de la doctrine du catholicisme. Tu fais du mal, mais si tu le regrettes, puis que tu te fais confesser, puis tu as l'absolution, oh, t'es clean, t'es blanc comme neige, ben, j'ai ben dommage, mais c'est pas de même que ça marche. Pas dans mon livre à moi. Bon, ça va faire, j'ai dit assez de choses. Bonne journée. Toutes ces sœurs étaient très étranges aussi. Ouais, c'est comme l'inceste, hein, souvent cette famille. Bonne journée. À un moment donné, là.